Eugène était muet et se promenait, les bras croisés de long en long, dans sa pauvre chambre en désordre. Le père Goriot saisit un moment où l'étudiant lui tournait le dos et mit sur la cheminée une boîte en maroquin rouge sur laquelle étaient imprimées en or les armes de Rastignac. « Mon cher enfant, disait le pauvre bonhomme, je me suis mis dans tout cela jusqu'au cou. Mais, voyez-vous, il y avait à moi bien de l'égoïsme. Je suis intéressé dans votre changement de quartier. » Vous ne me refuserez pas, hein, si je vous demande quelque chose. Que voulez-vous? Au-dessus de votre appartement, au 5e, il y a une chambre qui en dépend. J'y demeurerai, pas vrai? Je me fais vieux. Je suis trop loin de mes filles. Je ne vous gênerai pas. Seulement, je serai là. Vous me parlerez d'elles tous les soirs. Ça ne vous contrariera pas, dites. Quand vous rentrerez, que je serai dans mon lit, je vous entendrai. Je me dirai, il vient de voir ma petite Delphine. Il l'a menée au bal. Elle est heureuse par lui. Si j'étais malade, ça me mettrait du baume dans le cœur de vous écouter revenir, vous remuer, aller. Il y aura tant de ma fille en vous. Je n'aurai qu'un pas à faire pour être aux Champs-Élysées, où elle passe tous les jours. Je les verrai toujours, tandis que quelquefois, j'arrive trop tard. Et puis, elle viendra chez vous, peut-être. Je l'entendrai. Je la verrai, dans sa douillette du matin, trottant, allant gentiment, comme une petite chatte. Elle est redevenue depuis un mois ce qu'elle était jeune fille, gaie, pimpante. Son âme est en convalescence. Elle vous doit le bonheur. Oh, je ferai pour vous l'impossible. Elle me disait tout à l'heure, en revenant, « Papa, je suis bien heureuse. » Quand elle me dit cérémonieusement « Mon père », elle me glace. Mais quand elle m'appelle « Papa », il me semble encore les voir petites. Elles me rendent tous mes souvenirs. Je suis mieux leur père. Je crois qu'elles ne sont encore à personne. » Le bonhomme s'essuya les yeux. Il pleurait.